qu'à présent tu me détestes. Quand tu ne veux plus entendre mes promesses. Et si mes mots n'ont plus d'impact, ma chérie, laisse-moi au moins les actes. C'est vrai que je t'ai menti, que je t'ai trahi. Depuis que t'es parti, je réalise. Je dors plus la nuit, j'ai plus d'appétit. De l'intérieur, je peux pas mourir. Sans toi, je peux pas. Sans toi, je peux. Je fais que rêver. J'attends que tu reviennes pour te chanter ce refrain.